Un petit témoignage, je vais t'envoyer ça dans une tonne de hip-hop. Malgré qu'on respecte ton émission, c'est une des meilleures au monde. Pas toutes, man. Quand tu parles des gens, puis du stress. Tu peux pas comprendre ce que c'est. Pas le bateau parce que c'est trop important. Arrête de faire l'état grand liège, femme tailleur. Tu peux pas savoir c'est quoi, man. Je m'en fous de mourir ou de vivre. Tu n'as rien compris à l'histoire, man. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. J'aime me réveiller, toujours dormir. Pas avoir à penser, juste réveiller, dormir. Mais mon cadran sonne, quel martyr. Je me lève, métier, bye, m'habille. Mais plus mon argent, mon pistolet. Oublie la pile à mon lit qu'hier soir, je pistonnais. Un grand verre de lait, des biscuits, pis je pars voir les homies. Il est 2h30, je me sens mal. Le stress me mange comme une bioche. Mais si quelqu'un teste, je le fuck sans remords. Quand mon corps vit, mais mon cœur est mort. Tout comme mes rêves et mes espoirs. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Ben oui. Ben oui, je connais le bien et le mal. Le bien reste sur le Mont-Royal à Montréal. Le mal, lui, appartenait à Bordeaux. Égal au milieu incarcéral, mais je m'en fous. Le système me rend fou. Je t'avoue, je suis prêt à rentrer en dedans pour 25 ans, 35 ans, n'importe quand. Faire des crimes violents, taille aussi longtemps que les gens me donnent mes respects. C'est ce qui est important, l'épée. Pourtant, je connais le bien et le mal. La parole de Dieu est celle du diable. Je préfère celle de Dieu, mais c'est pas normal. La récession fait trop mal. Le système scolaire trop banal. Les taxes sont trop high. Fait que je m'en fous si je die. Mes valeurs spirituelles me sont retirées par la réalité de subsistance. Manger et aimer, 1995, quelle année, bonne année. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Yo man, laisse-moi dormir. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Yo, je m'en fous, man. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. Jamais me réveiller, toujours dormir. Je veux pas me réveiller, je veux dormir. J'aime me réveiller, toujours dormir. Dieu, je peux pas te mentir. J'aime pas comment je vis, mais ici c'est pas le paradis. Personne en blanc avec des ailes. Elle monte en noir avec des fusils. Pis si, je suis pas le premier à tirer, moi être le premier à tomber. Fait je garde mon âme sur moi, toujours prêt à me protéger. Parce que j'aime papa, maman, qui veulent pas que leur enfant meure avant qu'il soit mort. J'ai peut-être tort, mais en 9-5, y'en a des kids avec des 45 qui sont prêts à tirer. Pour une histoire de fille ou une paire de souliers. J'ai honte, mais c'est ma ta. Notre réalité, 1995-96, de Montréal à New York, California à Newport, la violence l'emporte. Dieu, change-moi avant que la violence m'emporte. Dieu, la violence cogne à ma porte. Boc, boc.